France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. En 1983, cela faisait 2 ans qu'était diffusée la série Dallas sur la première chaîne de télévision française. 2 ans que, massivement, les téléspectateurs hexagonaux se passionnaient pour la très fortunée et très torturée famille Ewing, pour les coups tordus et les drames qui étaient le pain quotidien de JR, Bobby, Pamela et Sue Ellen, et se laissaient convaincre que l'argent ne faisait décidément pas le bonheur. 1983, c'était 20 ans après l'assassinat de JFK, et l'atelier de création radiophonique transportait les auditeurs de France Culture à Dallas, Texas, dans un impitoyable univers saisi comme une sorte d'allégorie possible de l'Amérique, telle qu'elle dessinait alors un futur qui, ailleurs aussi, guettait les riches sociétés industrielles. Dallas, la saga Ewing, posée en parallèle de la réalité d'une ville avec ses us et coutumes, son opulence, son or noir et ses circuits imprimés. Dallas des années Reagan, en attendant celle de George Bush père, texan d'adoption, vice-président, ancien patron de la CIA, un pied dans le pétrole et l'autre dans l'industrie pharmaceutique. Dallas, au sommet de son grand boom immobilier, impitoyable pour ses plus pauvres, juste avant que ne vienne la frapper la crise des caisses d'épargne et des obligations pourries, les junk bonds. Dallas, Texas, juste avant la plus orwellienne des années. Atelier de création radiophonique, 1984, Dallas, une émission diffusée la première fois le 26 juin 1983 sur France Culture. ACR, Atelier de création radiophonique. 1984, Dallas. Par Luc Bongrand, Kay Mortley. Avec Robert Castel, Robert Kramer, Philippe Solers, Jean Thibaudeau et conseiller municipal, homme d'affaires, militant, pasteur, syndicaliste. Herbert Marcuse, texte. Voix, Michel Cohen, Denise Luccioni, Christian Rist, Éric Sarner. Radio. KERA, KCBI, Talk to Me Radio, etc. Prosperity Avenue, Downtown Dallas, City Hall, Shopping Center, Little Mexico, Gospel to the Baptists, Gay Church, Executive Tower, Ghettos. Groupe de réalisation, Philippe Bredin, Monique Burguière, Michel Créis, Marie-Ange Garandeau, Yvette Tuchban. Dallas. Dallas. Dallas is aussi non. ici. Non. Dallas. Dallas. Dallas. No. No. Haben Sie Dallas gesehen? Ja. Einmal. Je dois dire que je trouve ça merveilleux. Je m'en fais. No, definitely not. It's boring. Il y a là quelque chose de formidablement subtil, à mon avis. C'est fait avec une grande perversité et beaucoup d'habileté. Yeah, like Dallas is great. GR's my favorite. C'est très raffiné et c'est très populaire avec beaucoup d'humour. C'est ça qui est intéressant. Je pense que Dallas est une nouvelle forme de propagande. Que il y a un grand cambio después de la du système de propagande. La vie a évolué. Le Texan aux yeux bleus, avec un gros badge, We Try Harder. Fred Canning, un vieux de la vieille du business, Bloody Mary à la main, 4 heures de l'après-midi, soleil éclatant, dans un bar, les rideaux tirés, me regardant dans les yeux pour me sonder. Un parking de Sheraton. L'angoisse. La voiture sans bruit. Elle est où ? La plus qu'ailleurs. C'était marqué sur mon carnet. En effet, tous les thèmes sont abordés. Et chaque fois, la cible d'un public particulier, dans chaque scène particulière, est codée comme la publicité. C'est de la publicité en action. Le spot publicitaire est l'art de notre temps. Là, et sous ton soleil implacable. Là, tu ne redoutes plus que la mort. La forme de Dallas. D'avant-garde. Je pense que le travail qu'ils ont fait, c'est d'avant-garde. Travail psychologique, bien sûr. C'est la nouvelle propagande, il faut faire attention. Pas publicité, propagande politique. Parce qu'aujourd'hui, les valeurs ont changé, la naïveté a changé aussi. Et bon, il y a différentes formes de pénétration, et je pense que oui, que c'est une forme d'avant-garde. C'est merveilleux ce à où ils sont arrivés. Ouais, vous êtes sûr? Oui, oui, j'arrive tout de suite. Et on comprend très bien que les attaques contre Dallas, qui sont soi-disant des attaques idéologiques, sont en fait des attaques politiques qui recouvrent un ringardisme culturel profond. Alors, s'il vous plaît, reculez. Non, reculez, on ne passe pas. Là, allez, reculez. Laissez-moi passer. Quand il y a avant-garde, il y a jugement de valeur. Vous faites quelque chose pour détruire autre chose. Alors, vous pouvez très bien imaginer que le facteur de là, c'est le comble de l'avant-garde, si vous voulez, mais personne ne s'en aperçoit. Laissez-moi faire. Ici. Tourne-toi lentement et prends ma main. Non. Downtown Dallas. Dimanche, la rentrée dans la ville, cette ville que je voyais de ma chambre d'hôtel. La voiture, on s'en approche, comme si c'était un mirage. Tout d'un coup, on est dedans, on est dessus, on est seul, pas une voiture. C'est le désert. Le paysage ? Plat, desséché, bétonné, métallisé. Parfois, je rencontre des femmes qui regardent ça et qui disent, des Françaises hein, pourtant, et qui me disent qu'elles regardent Dallas pour voir comment les femmes sont habillées. Ça m'arrive des fois. Mais si je le regarde, c'est pour me moquer, parce que je trouve que c'est tellement fou. Hein, c'est plutôt pour me moquer. Que c'est de... ouais. Parce que je sais que je le regarde avec mon mari, mais c'est... on rigole, parce que je trouve que c'est tellement okay. Un feuilleton tellement amoral et tellement... C'est fou. Et puis en plus, te faire croire aux gens que cette facilité de vie et tout le monde rêve un peu. Je vous avertis dès l'instant où j'apprends que Pam peut avoir des visites. Je suis heureuse de vous avoir revu. Oh, moi aussi, Rebecca. Regardez qui est là. Bonjour, Cliff. Ellie. Voici mon autre fille, Catherine. Catherine, voici Madame Ellie. Enchantée de vous rencontrer, Madame Ellie. C'est un plaisir de vous connaître, Catherine. Je m'excuse de partir comme ça, mais il faut que j'aille parler à vous. Au revoir, Cliff. Elles sont plutôt bien habillées. Elles sont habillées constamment différemment. Si vous regardez le changement de robe et tout ça, il y a une vitrine constante et qui est si vous pensez que c'est une ville de la province, la grande province, enfin une grande ville de la province américaine, ça c'est intéressant ça. D'autre part, en revanche, alors ce qui est très habile aussi de la part du feuilleton, c'est de mettre tout l'accent sur l'extraordinaire. Conventionnalisme des femmes, n'est-ce pas ? Le feuilleton fait semblant que ces femmes sont admirables, qu'elles ont des problèmes très profonds. Avoir des enfants, sauver leur enfant, ne pas pouvoir avoir d'enfants, etc., etc. Bon, tout ça, à l'amour. Non, ça existe peut-être, mais ça fait tellement surfait, ça fait tellement faux, ça sonne tellement le fric, et c'est tellement si peu proche de la réalité par rapport au fait que... pas beaucoup de gens aussi nantis sur Terre. Vous pouvez aussi regarder ça au deuxième degré et vous les trouvez stéréotypés, complètement stupides, limités dans leur jeu et dans leur propos. C'est-à-dire que c'est aussi une exhibition formidable de la stupidité publicitaire et stéréotypée féminine en Amérique, c'est-à-dire, si vous voulez, de la Ligue des consommatrices, pour parler comme ça, rapidement. Même pour les Français, je trouve que c'est pas très bon de... regarder un feuilleton pareil, parce que rêver comme ça, avoir des rêves pendant une heure, et puis se retrouver après dans son petit appartement et tous ses problèmes et tout. Moi, j'aimerais qu'on le retire de la télé, ce feuilleton. Petit à petit, vous voyez apparaître un tableau de la société américaine, finalement extraordinairement matriarcal, n'est-ce pas ? L'impact du feuilleton, ce qui le fascine, c'est cette montée du pouvoir féminin et du pouvoir matriarcal. Il est bien clair que c'est ça que raconte Dallas, au-delà du pouvoir des banques, de l'argent, etc. Dallas, malheur celui qui n'a pas compris. Quand même si ça n'a aucune moralité, tant tout le monde sort avec un tel et... c'est fou, on s'y retrouve plus. Il n'y a que la mère qui a un semblant de qui reste la seule femme digne. Et... si on ne fait pas appel ou à la pornographie ou alors à des trucs de fric pour faire ressortir d'une classe de société de gens aisés, il n'y a plus rien maintenant. Plus rien ne m'intéresse. Bon, c'est vrai qu'il n'y a que ça qui marche, mais moi je ne veux pas rentrer dans ce système-là. Comme si j'étais mourante. Il y a longtemps que vous éprouvez ces sentiments. Ça remonte loin en arrière. Ça doit remonter à l'époque où j'étais encore bébé. Et... Louis. Et que ma mère m'a abandonnée. La caractérisation psychologique des rôles... me paraît remarquablement bien faite. Car au fur et à mesure que vous voyez le feuilleton se dérouler, le personnage qui est censé jouer tous les défauts de la société américaine devient au fur et à mesure de plus en plus sympathique. Comme si tous les défauts qui lui étaient reprochés se retournaient petit à petit en des qualités de valeur qui auraient été complètement oubliées ou perverties par une sorte de sous-civilisation américaine. Donc plus il est antipathique, odieux, calculateur, brutal, et plus paradoxalement il incarne une valeur fondamentale. C'est la valeur paternelle, n'est-ce pas ? C'est-à-dire, il y a finalement une seule chose qui l'intéresse, c'est son fils. Son jeune fils. Sentimentalité, combien de tartines sur l'égalité entre hommes et femmes par rapport à l'argent, etc. Que ça n'est pas parce qu'on n'a pas d'argent, que ceci, que cela. Bon, il y a tout, il y a le déluge absolument constant de la prédication bien pensante par rapport à un méchant qui apparaît comme étant de plus en plus le seul humain du lot. Jamais, John Ross, tu entends jamais. Oh, jamais, c'est très long, très très long, ma chérie. Moi, j'en suis pas si sûr. Je veux mon fils. C'est un mythe vraiment en action. Le ressort me paraît un ressort que je pense être assez américain d'ailleurs, qui est l'aveu officiel de l'amour qu'on porte à ce qu'on n'aime pas. C'est « the champ you love to hate », c'est-à-dire le champion que vous aimez haïr. Et je crois que le fameux personnage J.R. dans Dallas sert à ça, n'est-ce pas ? C'est le héros qu'on aime ne pas aimer. Emmène John Ross dans l'hélicoptère. Emmène-le. Allez, maman, dépêche-toi. Non. Non. Dépêche-toi. Sue Ellen a arraché le petit de South Fork et on ne fait que le ramener. Mais dépêche-toi. Hein. Attendez. Les bons sont inconscients et le méchant conscient a un bon inconscient. C'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Je suis persuadé que c'est fait au deuxième ou au troisième degré, parce que précisément l'évolution psychologique est très finement amenée et parce que vous voyez toujours le bien frustré par le mal. Là, c'est un peu comme c'est Juliette ou les prospérités du vice, si vous voulez, adapté à la publicité. C'est même pas une vraie image. Tout est publicitaire, les sentiments, les attendrissements, les émotions. C'est le triomphe de la publicité. Peut-être que le triomphe de la publicité, c'est le triomphe du sadisme, oui, en effet, du sadisme au sens littéraire. C'est évidemment le feuilleton de la publicité elle-même. Et c'est la meilleure publicité possible aujourd'hui. This is the idea behind the IBM Electronic 75 typewriter. To help secretaries be more productive automatically, the IBM Electronic 75 typewriter. It saves time, and whatever saves time is more productive automatically. Céréales. Aliments pour chiens. le traîneau hélicoptère du Père Noël. Antigrippine. Sac poubelle. C'est le temps. Enveloppant. Chaud. Justement humide. Biscuit apéritif. Aspirine. La végétation. Rabougri. Assoiffé. En mal de saison des pluies. Savon. Chaussures de tennis. Sac poubelle. Huile. Fromage de régime. Appareil ménager. Aliments pour chiens de luxe. At the beginning of your AM dial is the first and only radio station in Dallas-Fort Worth that listens to you. Talk to me. News Talk radio. 57. It's conversation radio. I think that's only half the story. What about... Talk to me. Parle-moi. It's information radio. I heard on your news... Talk to me. Parle-moi. Entertaining radio. I can't believe you said... Talk to me. Parle-moi. First, the only Talk to Me station in Dallas-Fort Worth. WFAA News Talk 57. Talk to me. Radio Parle-moi. I've held it all in with. God knows I've tried. But it's an awful way in a country boy's life. Look in the mirror in total surprise at the hair on my shoulder, the age in my eyes. Amanda, light of my life. C'est une image de western. C'est le début de l'ouest. C'est le pays des cow-boys. L'agriculture, le coton, les vaches, des fermes. C'est peut-être l'idée que j'en avais. Mais c'est autre chose. C'est une ville qui croît énormément. C'est une ville qui se développe. C'est une ville riche. C'est une ville à fort taux de capital par tête d'habitants, qui investit beaucoup. Il y a beaucoup d'infrastructures. Radio. It's conversation radio. I think that's only half the story. What about... Talk to me. Parle-moi. Information radio. I heard on your news. Talk to me. Parle-moi. Radio station in Dallas-Fort Worth that listens to you. Talk to me. Radio. It's conversation radio. Une paisible province américaine du Sunbelt. Des bâtiments en briques. Une fenêtre connue du monde entier. 10 étages, un coup de feu. L'attentat en direct. The motorcade is coming by here. I can see many, many motorcycles coming by now. Police motorcycles. Just heard a call on the radio for all units along Industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting. The presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You can see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man, spread eagle, over the top of the Texas car. Je crois que Texas est un peu à part. Hein. C'est-à-dire, là, il y a une concentration de pouvoir, surtout chimique et pétrolier, qui permet un certain type de contrôle qui existe rarement ailleurs. Et c'est pour ça que ça joue un si grand rôle. Moi, je crois que le Sud, c'est quelque chose de différent. Et que là, beaucoup de ces dynamiques dont on parle, des contradictions très très aiguës entre un vieil système et un nouvel Sud, qui est en effet un effort de rationaliser les choses pour que ça marche mieux, parce que ça marche mal au niveau économique. Les crimes prolifèrent. The number of unsolved cases on the books of our area police, but now Channel 8 wants to help close some of these mysterious cases with Crime Stoppers, a special segment on Channel 8's Saturday newscasts. Each week, News 8 presents dramatic recreations of unsolved crimes and a secret witness reward telephone number you can call to help solve these cases and make our community a safer place to live. Join News 8's John Criswell for Crime Stoppers. Oswald has been shot. On a tiré sur Oswald. Oswald has been shot. De plus en plus, des gens peuvent s'habituer à n'importe quoi. Qu'il y a une évolution presque comme les bactéries qui vit maintenant dans tous les antibiotiques. Les bactéries qui ont fait une évolution pour qu'ils soient maintenant plus contents dans les chimies qui sont là pour les tuer. Moi, je crois que les États-Unis, c'est le modèle où on voit des humains en train de s'adapter pour vivre dans des environnements de plus en plus dangereux à eux, qui est un certain côté fantastique aussi. Moi, c'est un type d'évolution vraiment vers le futur. Quel futur? Peut-être très vraiment sinistre, mais avec la perpétuation de ces gens qui refusent d'être écoulés. Ça éclate le moment quand ça t'arrache par la gorge. Mais avant ça, c'est un peu la grande fiction. C'est, faut se poser, laquelle est la plus grande fiction? Moi, mon vie à moi ou ce qu'ils racontent dans les journaux? À mon avis, les deux sont assez fictifs, mais... les actualités un peu plus. From National Public Radio in Washington, I'm Richard Harris with a special report. Bulletin spécial. It was about 2:30 this afternoon. À 2h30, President Reagan was leaving President a speaking Reagan engagement at the Washington Hotel Washington. When shots rang out. On a tiré sur lui. One bullet hit the president in the chest. Il a été touché one à la poitrine. New Secretary James Brady in the head. Brady à la tête. Two law enforcement officers, a Secret Service man, and a D.C. policeman were also deux seriously agents de police wounded. Ont été gravement blessés. The president was rushed to a Washington hospital to have the bullet removed, and a hospital spokesman says Mr. Reagan's in good condition. Annonce que l'état du président est satisfaisant. Jim Brady, however, is still in the operating room. A bullet passed through his brain. Vice President George Bush rushed back to Washington tonight from a speaking engagement in Washington. Texas on hearing news of the shooting at the White House. Bush said he can reassure the nation and the world que le gouvernement that the American government is operating fully and effectively. Avec toute son efficacité. Trisha Nixon Cox, daughter of former Trisha President Nixon Richard Cox Nixon, says her parents were a dit praying que ses parents for President Reagan. Priaient pour le président. This has been a special report from National Public Radio. I'm Richard Harris in Washington, and this is NPR. National Public National Radio. National Public Radio. Public Radio for North Texas. KERA-FM. KERA. Good evening, I'm Robert Dye. It's 4 minutes after 9 o'clock right Il est 9h04 now, and minutes. We are now returning to relatively normal programming. In the meantime, we'll be listening to music of the Baroque era, the early Baroque, on original instruments. First, we'll hear the sonata in G major for recorder and Baroque cello by Jean-Baptiste Luyer, who lived from 1680 to 1730. La liberté intellectuelle devrait signifier qu'on a restauré la pensée individuelle. Actuellement noyée dans les communications de masse, victime de l'endoctrinement, signifier qu'il n'y a plus de faiseurs d'opinion publique. Et plus d'opinion publique. Les capacités intellectuelles et matérielles de la société contemporaine sont infiniment plus grandes que jamais. Ce qui signifie que la domination de la société sur l'individu est infiniment plus grande que jamais. À mon avis, le problème en États-Unis, c'est pas vraiment un problème d'information. N'importe quelle personne qui souffre beaucoup d'un certain type d'exploitation a beaucoup plus d'informations que n'importe quelle personne qui veut faire un film là-dessus. Et ça, c'est surtout vrai en les États-Unis, où il n'y a pas vraiment un type de contrôle de presse, que le système de domination en les États-Unis fonctionne sur une démarche peut-être complètement contraire de celle en Europe. C'est-à-dire, il faut laisser tout le monde savoir tout. Et avec cette masse énorme d'informations, on peut compter sur les gens d'être dans un état de confusion plus ou moins permanent, avec un état où c'est très très difficile de faire des jugements, de moraliser trop, et surtout d'être plus confus sur la question de pouvoir. Où est le pouvoir pour changer ça? Comment c'est possible de changer cette façade énorme d'organisation? Ce que les gens ont besoin, c'est d'une information différente pour qu'ils puissent mieux décider à quoi faire. KZWFM Dallas. The minimal fibers of asbestos can be spun into almost anything. It's one of the best insulation materials known to man. Un des meilleurs isolants connus. Tiny fibers of asbestos can also Mais ces get into fibres the minuscules and when they do, they can kill. Rentrent dans vos poumons et vous tuent. Le gouvernement américain demande à la multinationale Exxon un rapport global sur toutes ses activités dans le monde. Résultat, 12 volumes de 1000 pages, dont la lecture, sinon l'analyse, excéderait plusieurs années de travail. Le principal, c'est de faire penser des gens eux-mêmes, que les gens s'interrogent eux-mêmes sur ce qu'ils veulent dans leur vie, parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Demolition is often the only way to get rid of it. Mr. Vermeulen, that's a reasonable point. The media has, I guess, heightened public consciousness of the problem enough to your satisfaction? Exercice de formation de l'opinion de la masse, qui n'en a plus. This has been typical of the American industry, Johns Manville in particular. What would you want them to do? Le sujet, pour battre ce soir, to be the subject, l'amiante, isolant, cancérigène, un demi-million de victimes connues. Well, what about that, Mr. Parker? Does the company, does your company, does the industry as a whole recognize that it has a financial obligation? À son poste, Lincoln, voix belle, rassurante, pleine de bon sens et de raison. Presentation of ABC News. Voilà, c'est fait. Le sujet est battu. I am hopeful that and anticipate another large round of budget cuts in fiscal year 83 and still another in 84. Did you advise the president against those additions to your original rather bare bones tax bill? I strongly urge the president to sign. Do you, as an economist, as the president's chief economic advisor, agree with his statement that just cutting taxes alone will cause output and employment to expand? I think there's no question that the large array of tax cuts that we have seen enacted will expand the productive potential and éphémère. Actual GNP of ironique. The economy. Did you think the tax cuts were too much too soon? Not pas plus qu'un costume. L'envie de mettre un coup de pied dedans. Un château de cartes. Do you agree with Mr. Stockman that there should be some kind of tax increases? No, I do not think that fiscal year 1982 is a time for tax increases. How much do you think the tax cut will increase the budget deficit for 82? Souriant, très souriant, trop souriant. Langage doux, accueillant, souriant, du sud, méditerranéen, traînant, chantant. K-E-R-A. Dallas. Ah, yes. Back to business. And that's where we are. We've got a special message here from K-E-R-A's own personal guru. And I think we could listen to that while vous people allez are going entendre to the telephone. Votre chef spirituel. Dying 744-9010 or 263-K-E-R-A. And then hopefully we'll be getting those five pledges and be ready to go. Here we go. This is your spiritual leader. I have something for you to meditate on. Yes, I have something new for you to meditate on. I would like for you to meditate on K-E-R-A. I would like for you to meditate in the morning and in the afternoon and in the evening. And if you have insomnia, you may meditate late at night on K-E-R-A. Yes? K-E-R-A is the one true path to consciousness and enlightenment. And you can become a part of this experience simply by joining. It's that very simple, yes? Hello and welcome to Flight Time on 90FM. Et maintenant, Flight I'm Guy Time. I'm inviting you to join me on a sound odyssey throughout the realm of jazz. notre odyssée sonore au royaume du jazz. Give a listen to our guru one more time. This is your spiritual leader again. I would like to tell you that I have something new for you to meditate upon. I would like for you to meditate upon this sound. K-E-R-A. If you will say this many times over and over inside your head, letting it resonate throughout your consciousness, you will realize this is the one true way, the true path to enlightenment. Yes, K-E-R-A can give you enlightenment. All you have to do is join. He is right. Il a raison. Méditez sur le nom de la station, K-E-R-A. Mais agissez. La bonne position pour méditer, c'est devant le téléphone, l'index tendu, prêt à composer 744-9010. 744-9010 ou 263-KERA. Si vous venez d'ouvrir votre poste, vous ne savez pas ce qui se passe. Alors voilà, quatre fois par an, nous sommes obligés de ralentir, de supprimer des émissions et de vous demander de nous donner de l'argent, ce qui va nous permettre de continuer à fonctionner. Si nous survivons, vous survivez. Notre survie est votre survie. Nous vous rendons heureux. What we're going to do is we're going to keep talking here for a little bit because we're cut the music off. Waiting for people, you out there who are listening to us carry on. We're waiting for you to call us. Alors and make a pledge, make a promise of payment, vous, and take appel, out a membership in 90FM. It's those membership dollars that keep us on the air, that keep us doing what we do. You call us on the phone. We have Appelez-nous. Two phone numbers. 744-9010. If you're in Dallas. Yes. And if you're not in Dallas, it's 263-5372. Either $5 or $10 a month. Right. Même 5 ou 10 dollars par mois. Bucks. $5 a month is $60 a year, right? That's right. $10 a month is what? $120? $120 a year. Mm. And that's an easy way to give a lot of bread to us, and we really need it. Yeah, plus you get some of it back come tax time. Et en plus, vous aurez and une réduction fiscale. Not only that, we're not going to insult you by trying to get you to do something you don't need. On ne vous demande pas d'acheter quelque chose d'inutile. That's going to take your money from places where it should be. I mean, where your money should be is into those things that are important to you, and if 90FM provides a service that is important quelque to chose you, dont vous you n'avez ought pas to put besoin. A couple of dollars into it. Oh, yeah, that's all it is, a couple of bucks. $15 will take care of plenty of business for us if we can get 2 out of 10 of the people who listen to the station si to do that. Si 2 auditeurs sur 10 envoyaient 15 dollars. Right now. We need to get at least 2. You know, and au then moins 3 and 4 and 5. We need to have 10 out of 10 people who listen to this station on a regular basis. En fait, il faudrait que 10 personnes sur 10 qui $15 is not much at nous all. $15. If you're getting ready to buy some music, you know, pensez going donc into Friday $15. And you've got your money in your hands, and you're going to go out and buy yourself a couple of albums. You're going to have to really be selective. Pour $15, vous ne pouvez pas acheter beaucoup de disques. You could send us the $15. You don't have to get up and go to the record store, and that music is going to come to you via your radio. Nous, on vous donne de la musique à la radio. Give us a call right now. 744-9010-263-5372, or if you got to call us long distance, call us collect. Okay. No. There's nobody there. No. Nobody's there. Il y a un appel. Elle essaye de le passer. Hello, Mr. Mackin. Il y a quelqu'un. Il dit qu'il est à l'hôpital, en train de souffrir, sans radio, et qu'il appelle pour renouveler son abonnement. Et si quelqu'un qui est à l'hôpital, malade comme lui, peut appeler, alors ça ne devrait pas poser un problème pour d'autres. Il faut le faire, il nous faut du jazz à Dallas. Appelez-nous, vous trouverez de vrais gens au bout du fil. Pas une machine, pas un répondeur. C'est trop cher pour nous les répondeurs. Nous avons des gens, des volontaires qui répondent au téléphone. Nous, nous sommes une radio publique et non pas une radio Afrique. KERA. Pay directly. Payez comptant. Credit card. Carte de crédit. Checks plan. Check. Call collect. Appelez en PCV. Area code 214. Indicatif 214. 744-90-10-0. Numéro 744-90-10-0. $3,500. $3,500. Il y a toujours beaucoup de « prions ensemble cette semaine », de « pourquoi ne pas essayer Dieu », de zen, d'existentialisme, etc. Mais ces formes de protestation et de transcendance n'entrent plus désormais en contradiction avec le statu quo. Elles ne sont plus négatives. Elles constituent plutôt la partie cérémonielle d'un behaviorisme pratique, sa négation inoffensive. Elles sont rapidement assimilées par le statu quo. Elles font partie de son régime de santé. Votre argent et votre soutien nous aideront à garder quelque chose de propre sur les ondes. KCBI FM in Dallas invites you to KCBI join us Dallas. For another broadcast of the ministry of the First Baptist Church in Dallas, Dr. W.A. Criswell, pastor. KCBI vous invite à écouter le pasteur de la première église baptiste de Dallas, le révérend Criswell. What greater news could be announced than that found in the Holy Bible which proclaims Christ died for our sins. The message of the gospel grâce au Christ, is needed today vos péchés sont pardonnés. When the psalmist cried out, O Lord, remember not the sins of my youth. No, life can never be relived. Mistakes can never be undone. But because of the innocent and sacrificial death of Jesus on the cross, the guilt of your past sins need not haunt you. Grâce à son sacrifice, anything you have vos péchés sont pardonnés. Toward God, your family, your parents, or your friends has been paid for by the innocent suffering and death of Jesus. God is absolutely perfect and Dieu holy. Est sans He péché. Does not look the other way when adultery takes place. And God continues to express his changeless and holy will concerning divorce through his prophet Malachi as he proclaims, I hate divorce. Il est le divorce. Gossip, no matter how innocent it may seem. Il est les mauvaises langues. Stealing, no matter how small the amount it happens to be. Disobedience to parents and teachers. Il est la désobéissance. No matter if everyone else is doing it, is and always will be sin. Some individuals are now promoting promiscuity and hope to encourage society's acceptance à la promiscuité. In addition to one's marriage partner, on vous encourage à l'adultère. Spends too much time feeling guilty, helpless and desperate. On vous encourage à la culpabilité. Guilt, guilt, guilt. Where is it all going to end? Is there any hope? The appointment calendars of psychiatrists and psychologists are filled with names of individuals seeking relief from their tortured consciences. Les carnets des psychanalystes sont remplis des noms des torturés de la conscience. Others use alcohol or drugs to try to escape the reality of their restlessness. The punishment you and I deserved and should have received was placed on Jesus. Jesus died for our sins according to the scriptures. Jésus a payé pour nous. Precisely as God had planned it from eternity. Oh, how slow we are to believe. This message from the Bible is for you today. Amen. Amen. A summary of this week's religious news from around the nation. Presented by the Baptist General Convention of Texas. Information religieuse présentée par la Convention Baptiste du Texas. The Reverend Jerry Falwell said his organization, Moral Majority, la majorité morale, un facteur décisif dans la défaite des sénateurs démocrates. Howard Phillips, national director of the organization, was elated over the results and believes this is merely the beginning of a coming trend. Le chef de la majorité morale se réjouit de cette nouvelle tendance. In providing an extra margin of strength to Governor Reagan's candidacy, particularly in southern and border states. Although the new right may have played a part in making Ronald Reagan the next president, according to pollster Lou Harris, the group's conservative stance on moral issues is at odds with the attitude of most Americans. Harris stated that the majority of Americans hold conservative economic views, but liberal positions on many social and moral issues. Selon les sondages, l'opinion américaine serait conservatrice sur les questions économiques, mais libérale sur les questions morales. C'est un pays énormément isolé. c'est une autre grande contradiction. C'est qu'avec tout ce média, avec tout ce reportage, toute cette information, on a très peu d'idées comment ça va ailleurs, vraiment. Et puis ces kilomètres d'autoroute pour arriver à la moindre trace de vie, dans les champs, très bien balisés, des autoroutes parfaitement rectilignes. Des distances énormes. L'image de cette ville, telle qu'elle s'offre, comme sur une photo. J'allais dire elle est bicéphale, non, elle est biphalique. Il y a deux bâtiments qui dominent un horizon très plat, sur lequel il y a des levées et des couchers de soleil. Pas tropicaux, parce qu'on n'est pas en zone tropicale, mais subtropicale. Absolument merveilleux. Réunion Tower, un building de verre, 80 ou 90 étages. Puis l'autre, c'est une immense tour chapeautée d'une boule de verre, structurée d'une manière atomique et qui offre un restaurant tournant de 360 degrés. À 150 mètres d'altitude. Tout le reste est très plat, on construit bas, c'est la maison individuelle sur le mode anglo-saxon. Pas beaucoup de hauteur, rien à voir avec les grandes villes du Nord, avec Chicago, New York. Moi, je n'ai jamais vu Dallas, sauf une fois sur une bande vidéo dont on a pris le son. Non, je n'ai jamais vu. Et pourtant, je l'ai toujours imaginé ainsi. Blanche, haute, vide. Avec du soleil et des rues relativement étroites à l'ombre des murs blancs. Des murs avec des fenêtres bien rectangulaires dans le sens de la longueur. Rectangulaires et extrêmement propres. Propre, brillante, renvoyant au soleil son propre reflet. Écrit, comment comprendre sans prédicateur et comment prêcher sans être l'envoyé de Dieu? Lisez la Bible, les prophètes. The apostles and disciples of God. All right. To discover there seems to be a deaf ear to the word of God. It was so in the days of Noah. Yes. It seems ainsi that en était-il Noah preached au temps de Noé. The worst men became. The New Testament took up the account and the order of that day and said, like in the days of Noah, men was eating and drinking and making merry and having a good time. It was the same way in the days of Moses. When Moses ainsi en était-il au temps de Moïse. Ainsi en était-il au temps d'Isaïe. Ainsi en était-il au temps de Jérémie. Jean le Baptiste prêchait dans le désert. Aujourd'hui, le désert, c'est Dallas. Voilà, c'est comme ça. Blanche, haute, vide, fenêtre, mur, rue, des palmiers quelque part, et des roses jaunes. Sur Swiss Avenue, par exemple, il y a, qui fait peut-être un kilomètre de long, une magnifique allée bordée de magnolia, de bégonia, d'azalée, et avec des maisons absolument magnifiques. Combien on dit ? 500 000 dollars l'unité. Et puis, on passe. Enfin, un bloc de plus et on arrive dans Little Mexico. Des petites baraques de bois qui sont des cabanes fortifiées, très longues. Plusieurs familles vivent, des toits pentus. Et autrement, alors la maison standard de la classe moyenne blanche. Bon, c'est de la brique et du goudron. Heaven rejoices. So then, if there is one saved by the All God's preaching is not in vain. Day and night, a man can find peace. Every now and then, we cannot find peace. But when Jesus stopped by, he told the man, I tell you what he said. He told the demon, come out of him. And at the word of Jesus, the demons came out. And another man who was blind from his youth, Jesus Christ gave him his sight. And the first thing he did, he went to the temple. When God does something in your life, you ought to take a little time to tell him thank you. You ought to take some time and get down on your knees among your brothers and sisters and say, the Lord been good to me. So the man went to the temple. And he said, Jesus Christ. And the priest brought his parents in. And they said, I don't know. But one thing I do know, he walks blind. But now he sees. And all of her days, the historians say, of all of her days, she served the Lord. And finally, Mary Magdalene had a demon. And Mary Magdalene was the talk of the town. She was an outcast. But Jesus came along her way. And every one Sunday morning, when she got up out of the grave, Mary Magdalene was the one that found him risen from the dead. Now, my brothers and sisters, I could go on all day throughout ancient, modern, in medieval history, and show you evidence that God preaching is not in vain. But the greatest evidence is my own life. I heard the voice of Jesus say, come unto me and rest. Lie down, lie weary, one lie down, thy head upon my breast. And you know what I did? I came. Le pasteur, noir, raconte que son église fut construite en 1930 dans ce qui était un quartier de pauvres blancs. Les blancs partent, des noirs viennent. Ça a toujours été un quartier pauvre. Ensuite, l'intégration. Les noirs ne peuvent louer que de vieilles maisons à loyer bas, comme celle de ce quartier, où même l'alimentation coûte moins cher. La loi a dit « intégrer ». Les blancs ont répondu « on s'en va ». L'église de ce pasteur noir est financée par la Convention baptiste du Sud, qui jadis avait exclu les noirs. Did you see? Yeah, we. This is one of my little girls. We met. Voilà, c'est comme ça. Blanche, haute, vide, fenêtre, mur, rue. Il y a plus qu'un 3 ou 4 grands centres avec des autoroutes qui croisent avec des bâtiments modernes, de grandes tours. Qui est-ce qui habite? Oh, he's busy messing with me. Yeah, he's really busy messing with me. He's her friend, Junior. Oh, he is. I'll say. Le Texan est essentiellement concerné par ce qui se passe au Texas. Il y a déjà un certain rejet de ce qu'ils appellent les Yankees, c'est-à-dire tous ces jeunes cadres qui ont été élevés dans les universités du nord-est américain et qui descendent vers le Texas parce que c'est un endroit en plein développement. Le redneck, le dur et pur texan, existe peu dans la ville en fait. Le redneck, c'est le travailleur. Il y a une différence de cowboy et le redneck. Le cowboy, c'est le campagnard. Le redneck, on peut l'assimiler, disons, au dur en France, au travailleur manuel dur et pur. Les Texans sont magnifiques. D'abord, vous avez un phénomène très simple à Dallas. Vous avez trois femmes pour un homme. Ça crée un climat très propice aux célibataires. Et la Texane est très belle. La Texane est une fille très saine, qui a toujours vécu avec l'amour du sport qu'on lui a bien inculqué. Et ce sont des filles très belles, très... Ça, je dois dire que c'est un des points... Entre Français, on est souvent très critique sur beaucoup de sujets, mais sur celui-là, je crois que tout le monde est d'accord. Mais bon, j'ai pris un exemple comme ça d'un couple de la middle class. Bon, disons, on peut les situer économiquement, non ? Si elles travaillent, bon, peut-être c'est une économie qui tourne autour de 20 000 dollars par an, quoi. Peut-être 1500 dollars par mois net d'impôts avec des mortgages de 600-700 dollars pour payer la maison et la piscine. Bon, ben, ça fait que le budget est tiré. Si on a deux bagnoles, ce qui est à peu près inévitable parce qu'autrement il n'y a pas moyen de bouger. Alors ces mêmes gens, s'ils ont fait le plein de congelés de crevettes, ils vont peut-être varier les plaisirs le mardi. Et par exemple, on peut très bien supposer qu'ils appartiennent à... qu'ils aient répondu à une petite annonce dans le Dallas Herald Tribune, cherchant couple disposé à échanger point de vue politique ou économique ou religieux régulièrement. Et alors, ça va être leur jour de réception. Ils ont eu le temps de se toiletter, de changer de chemise. Et pour madame, éventuellement, sa robe longue. Et on va recevoir ses amis qui ont en commun quelques cents près, le même niveau de vie, la même maison, le même nombre de pièces, et éventuellement la même profondeur de piscine, et qui vont amener leur quote-part de ce festin, n'est-ce pas ? Et alors, ça va être la valse des Tupperware, et le temps de dresser table, et donc on va méthodiquement aborder le problème, dans le meilleur des cas, du retrait de la Grèce de l'OTAN et de l'invasion de l'Afghanistan, en passant par l'augmentation du prix du brut et la baisse du taux d'inflation. On parlait de Suzy. Alors Suzy, elle est barmaid au Cowboy Club. Bon, c'est son lieu, c'est son abri. Il dort pas, mais quand elle a fini son boulot, vendredi 4h, elle file chez elle. Elle enlève ses oreilles de lapin et sa mini-jupe d'Annie du Far West. Elle se rencarde avec ses copains et il y a de fortes chances qu'elle retourne au Cowboy Club comme cliente. Passera une bonne partie de sa nuit au Cowboy Club. C'est là que prospère et s'exprime et foisonne tout ce qui reste de la culture texane. Or là, il y a un dress code, une obligation vestimentaire. C'est évidemment les bottes à talons. Et puis le jean. Une résurgence de toute cette culture-là. Il y a maintenant plusieurs bars cow-boys qui rouvrent et qui font le plein. C'est le saloon, deux étages, tout en bois. Des bars partout, de la bière. On joue au dés, on joue au poker. Et puis on danse évidemment le square dance. Le pas de carré. Tu avais dansé ça? Je l'ai dansé. Ça s'approche. Osmose totale entre sa vie professionnelle et puis sa vie privée. C'est peut-être la réduction de l'espace intérieur, de l'espace intime, et l'envahissement par, que ce soit des activités sociales ou des activités communautaires, la nécessité ou d'une transparence sociale qui m'est apparue comme beaucoup plus aiguë qu'ailleurs, en tout cas qu'en Europe, où il y a beaucoup plus de barrières et de protections et de distinctions et de frontières entre le professionnel social et puis peut-être le très personnel, l'intime, la vie privée. Là, au contraire, on a un sentiment de confusion, de fusion des deux. Alors, la contrefaçon de cette transparence, c'est certainement une apparente grande qualité et facilité de communiquer, d'ouverture comme ça, de sourire, de gentillesse aussi. Il n'y a pas cette méfiance un petit peu, cette distance, cette pudeur, cette réserve qu'on vit en Europe. Les gens sont très directs, n'hésitent pas, ils veulent vous cadrer. Et en fait, la réponse est induite. L'espace pour une autre réponse que celle qui est induite est très étroit et on sait qu'on va choper sur... la perte de confiance ou sur l'incompréhension ou plutôt sur l'incompréhension dans la plupart des cas. Enfin, il y a ce côté ludique de la curiosité bienveillante. Contestant number 9. Over 100 years ago at the International Flower Fair, America's number one flower won its name, gold medal. Taste 100 years of baking success. Taste the success of 100 years. L'intensité la satisfaction et même le caractère des besoins humains, sauf au niveau biologique, ont toujours été conditionnés. Faire ou ne pas faire, utiliser ou détruire, posséder ou rejeter quelque chose, sont pris comme des besoins à partir du moment où ce sont des nécessités et des besoins pour les institutions et les intérêts dominants. Nutritious? Your mom knows ounce for ounce Skippy has more protein than a hot dog, chicken salad, even liverwurst. And Skippy has no cholesterol. Le totalitarisme n'est pas seulement une uniformisation politique terroriste. C'est aussi une uniformisation économico-technique non terroriste qui fonctionne en manipulant les besoins au nom d'un faux intérêt général. Here you are. Happy birthday. Big spender. Oh, you sweet belt. Good looking pig. I've seen better. With the one step, you can see your pictures before the candles go out. Cake looks great. Yeah, but don't cut it. What? It's rented. Rented? Le besoin d'un travail abrutissant qui n'est plus vraiment nécessaire. Le besoin de formes de loisirs qui flattent et prolongent cet abrutissement. Le besoin de maintenir des libertés décevantes telles que la liberté de concurrence, de prix préalablement arrangés, la liberté d'une presse qui se censure elle-même, la liberté enfin de choisir entre des marques et des gadgets. Chaussures de tennis, sac poubelle, huile, fromage de régime, appareil ménager. Aliments pour chiens de luxe. C'est pas comme ça, je sais. Mais c'est comme ça que je l'ai toujours imaginé. Je n'avais vu ni vache, ni cow-boy, ni mexicain, ni noir, ni, à vrai dire, de pétrole dans ce décor espagnol sur le côté baroque. J'y étais passé peu de temps avant de m'y installer. Quand on s'installe quelque part, on commence à amener ses disques, ses livres, puis ses vêtements et quelques instruments de cuisine. On commence à avoir les choses autrement. Bon, il faut faire mettre le téléphone, le gaz, il faut trouver une maison, il faut trouver une voiture. Il y a tous ces problèmes-là matériels qui immédiatement vous confrontent à une réalité dont on peut être totalement éloigné si on ne fait que passer. Petit à petit, on devient un citoyen. Il y a tout un processus d'intégration. Que ce soit un numéro de social security pour payer ses impôts, on se penche sur le système fiscal pour son propre cas. Et on rentre dans, petit à petit dans tous les mécanismes économiques. On n'est plus là en observateur. Et ça va très vite, l'intégration. On comprend très bien qu'en une génération, des émigrés deviennent américains, au point d'en oublier leur langue maternelle. L'indépendance de pensée, l'autonomie, le droit à une opposition politique sont privés de leur fonction essentiellement critique dans une société qui, par son organisation, semble chaque jour plus apte à satisfaire les besoins individuels. Morgan Boots. Incredible savings. Free barbecue. Great men's and ladies' style. Have price sale today. Morgan Boots, Highway 360 at Park Road, Arlington, open 9 to 9. Une telle société peut exiger l'acceptation de ses principes et de ses institutions. Il faut débattre des alternatives politiques et les rechercher à l'intérieur du statu quo. à cela que se réduit l'opposition. At a time when most people think prices can only get higher. And at Fox and Jacobs, we're reducing prices on selected Today, Accent, and Flair homes in every Fox and Jacobs neighborhood in Dallas and Fort Worth. Fox and Jacobs thinking. Constructive thinking. That's how we'll save you thousands on a new home in November. Look for details in Sunday's real estate section. And if you want to see a home built with constructive thinking, well, look no farther than your nearest Fox and Jacobs location. J'avais envie de comprendre un peu comment fonctionnait cette ville qui, par les aspects extérieurs et dominants véhiculés par les médias, effectivement, est une ville extraordinairement luxueuse, confortable. Je voulais un peu comprendre les ressorts de cette ville. Alors, j'ai commencé par les ghettos pour une raison simple, c'est que je travaillais avec un outil qui est la vidéo dans le cadre de ce qu'on appelle aux États-Unis le public access, c'est-à-dire l'accès du public. Bon, la vocation de ce public access est de donner la parole aux gens justement qui sont exclus du système audiovisuel traditionnel, c'est-à-dire les grandes chaînes privées ou les chaînes de radio. Ça me paraissait en première approche comme le summum de la démocratisation de l'accès aux médias. Et c'est cette même dynamique qui m'a mené aussi vers les Chicanos, c'est-à-dire les latino-américains. De toute façon, moi je crois que le discours politique en Amérique est beaucoup plus timide maintenant, et surtout dans une ville comme Dallas. La discrimination. I've learned what discrimination was, you know, and discrimination is pretty bad here in Dallas. C'est quelque chose à Dallas. Even in church, même à l'église, à l'école, dans les autobus. Or wherever we went, or in movies, you know, there was only one movie where I remember I could go into the movies and. Il n'y avait qu'un cinéma où je pouvais aller. Drinking fountains, trying shoes on, they won't let us. On ne me laissait pas essayer des chaussures. Clothes, dans les magasins. I had to learn how to defend myself. I had to fight. I learned how to fight. Il a fallu que j'apprenne à me défendre. C'était nécessaire. J'ai vraiment adoré l'école. The first day I arrived into high school here in Dallas, and the principal in the school. Le problème, c'est que le premier jour où je suis arrivé au lycée, most of them were white. Le directeur est venu me voir. Et puis, il m'a dit, tu n'as pas de meilleurs vêtements que ça? Je dis non. Il a ajouté, à ta place, j'irai travailler, gagner de l'argent, acheter des chaussures avant de revenir à l'école. Il a dit, j'ai un ami qui va te donner du travail. On m'a emmené dans une carrière. On m'a donné une grosse masse pour casser des pierres. C'était dur, vraiment dur. Si j'avais été un anglo-américain, on m'aurait donné de l'argent, on m'aurait envoyé à l'armée du salut, quelque chose. Et puis, ensuite, je suis entré au syndicat, on m'a licencié pour ça. Helping, you know, unions. J'ai toujours aimé la politique. J'ai compris que la seule façon d'aider les gens, si, c'était par la politique. La seule alternative, ce serait la lutte armée. Mais ça mènerait où ? Dialectique, et c'est très très fort. Et juste à le moment quand tu penses que cette dialectique va exploser dans une direction, on voit des forces qui le poussent et l'arrangent que ça ne s'explose pas. Et on va voir, peut-être ça va exploser finalement. Il y aura trop de chômeurs, trop de gens qui prennent des drogues normalement, comme, pas comme une nouvelle expérience, mais comme un aspect de la vie. Trop de gens en marge, trop de gens qui sont même pas contre le système, mais plus ou moins coupés du système, qu'on va être obligé d'envisionner un autre type de société là, ou que ça va faire une évolution à quelque chose d'assez différent. All the thing I'm trying to do is trying to get someplace where I can meditate. That's good. It's very difficult to find a good place to meditate. Yeah, if I could find a desert someplace, it'd be all right, wouldn't it? Yeah, but right now there's a good place to meditate. It's here. No? You see, you can't confuse God with bullshit. Moi, je ne sais pas exactement comment évaluer ces questions d'homosexualité en Amérique. C'est vachement important, hein. C'est-à-dire qu'il y a des villes comme San Francisco qui sont 60% homosexuels, hommes et femmes. C'est une dynamique qui va éventuellement obliger certains types de changements qui peut sembler presque insignifiants, mais qui peu à peu va changer le visage de pays. Et de pouvoir, éventuellement. Ça ne veut dire pas que ça va vraiment changer tout de suite visage impérialisme. Ce n'est pas du tout la question, mais c'est un organisme qui est en train de développer. Il ne faut pas voir certaines tentatives aux bases comme vraiment tout à fait isolées. Parce que la chose qui passe en Amérique, c'est que ces changements à la base percolent très vite dans la société en tout. Au premier degré, en tant que ridicule. Et puis, peu à peu, on va trouver qu'est-ce que ça donne dans le Congrès, quand il y a les premières législatures qui sont ouvertement homosexuelles. Et qu'est-ce que je dis finalement ? Bon, je ne sais pas. C'est seulement pour dire que tout ce type de dynamique sociale ne peut pas être encapsulé simplement dans les anciennes, pour moi, à mon avis, dans les anciennes structures d'analyse. Que tout ça ne se passe pas dans un champ contrôlé par le pouvoir. Mais au Texas, il en va autrement. Metropolitan Church. The Metropolitan Community Church in Dallas serves the primarily the gay community in Dallas, but we are a Christian church homosexuel. We have a number of black people, we have a number of Hispanic people in the congregation. About one third of the congregation is comprised of women. Des Mexicains et des femmes aussi. The number of members that we have in the church here is 500. congrégation 500. Part of the gay population in Dallas. I would estimate the gay population of Dallas to be approximately 50 to 70,000. 50 000 homosexuels à Dallas. 20 millions aux États-Unis. Traditionally, the Christian church has condemned homosexuality and rejected homosexuals from fellowship within the life of the church. L'église traditionnelle condamne l'homosexualité. But the types of behavior that the Bible condemns are those types of behavior that are hurtful and exploitive to another human being. Mais la Bible ne condamne que la violence sexuelle. We would like to see it be illegal for it to be possible for anyone to deny employment to or housing to someone on the basis that he or she is gay. Un propriétaire peut lui refuser un logement et un patron un emploi. A landlord could deny someone an apartment, for instance, solely on the basis that he or she is gay, and the gay person would have really no legal recourse. La loi texane ne permet aucun recours. Well, the gay community is spread throughout the Dallas-Fort Worth metroplex, although there is a higher concentration of gay persons in this area of Dallas, which is known as the Oaklawn district of Dallas. Dans le quartier d'Oaklawn. I think it's also nice for gay people to live close to other gay people because they do have something in common. C'est bien comme cela. Ils ont quelque chose en commun. The Dallas Gay Alliance is our local political organization, and they too have been active in fighting for legislation that provides fair and equal opportunities for gay people as well as other citizens. Notre organisation politique milite pour l'égalité. Que ce soit un système autoritaire ou non autoritaire qui pratique la satisfaction progressive des besoins, ne joue pas beaucoup à cet égard. Dans ces conditions, où le standard de vie est croissant, ne pas se conformer au système n'a aucune utilité sociale apparemment, d'autant moins quand cela entraîne des inconvénients économiques et politiques sensibles et menace le bon fonctionnement de l'ensemble. Pourquoi la production et la distribution des biens devrait-elle subir la concurrence des libertés individuelles, alors que des nécessités vitales sont en jeu? Peut-on réellement dissocier les fonctions des communications de masse, qui servent à informer et à divertir, et en même temps à conditionner et à endoctriner? Peut-on établir une différence entre l'agrément et les inconvénients de l'automobile? Entre les horreurs de l'architecture fonctionnelle et son confort, entre le travail pour la défense nationale et le travail au profit des trusts. Nous nous retrouvons devant l'un des aspects les plus fâcheux de la société industrielle avancée, le caractère rationnel de son irrationalité. C'est plus intéressant, je crois, à décrire le volume de construction nouvelle chaque année. Nous avons 1 300 000 mètres carrés des entrepôts jusqu'à maintenant. À quoi attribuez-vous l'extraordinaire développement et succès de Dallas, qui font cette ville une ville en pleine croissance? Pourquoi Dallas? Vraiment, il y a un esprit humain à Dallas. La communauté des affaires à Dallas a traditionnellement une dédication, je crois, à la croissance. Toute la croissance qui était à Dallas, je crois, était faite par les hommes. Nous avons beaucoup d'ambition, je crois, même le petit homme. Dallas. Les gens ici à Dallas, ils veulent travailler. Je crois qu'il y a beaucoup de créativité à Dallas. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons un esprit dans la City Hall et dans la population qui est très émouant. Émulative. Oui. C'est un esprit. Ce jeune homme est riche, très riche. On dit qu'il pourrait même devenir le plus riche des USA. Aujourd'hui, c'est la troisième fortune des États-Unis. Ici, à Dallas, ce n'est pas nécessaire d'utiliser seulement les syndicats. Still, we have a long ways to go. There's still a lot of it here in this country. But it's been a hard fight, you know, and it's for the better of this country. La bataille a été très dure. All of it is still going on. A lot of why is it that overwhelming majority of la route in jail and in prison est encore bien longue. Either throughout the South or Southwest or here in Texas especially. Why is the percentage so high among the blacks? Mais pourquoi ici au Texas les prisons sont-elles remplies de noirs et de chicanos? Are we the only criminals? Are we the only one that do all of that? Est-ce que nous sommes les seuls criminels? Pablo, c'est un peu le chef historique des Chicanos de Dallas. Jadis, il a traversé le Rio Grande. Il est un peu lassé par la lutte. C'est par la boxe, le syndicalisme, qu'il s'en est sorti. Son fils, Ricardo, vient d'être élu au conseil municipal. Les Medrano, c'est une force politique à Dallas. Can you explain me what exactly is a right to work state as Texas is? Well, the right to work is pretty bad. They explain to you the right to work. You know that you have a right to work. It sounds good. Le droit au travail. You really don't have ça sonne bien. In other words, the right to work means that you have the right to go and work in a place for like it was, you know, $1.25. En fait, ça veut dire que tu as le droit d'aller travailler aux conditions qu'on t'impose. You have a right to work. In other terms, it's a no right to strike. Right. Yes, you don't have no right to. C'est ça, oui. Pas le droit de faire la grève. It doesn't mean that the union is forbidden. Le syndicat n'est pas interdit, alors. That you do not have to pay a union to represent you. That's right to work. Okay, that means you. S'il existe, tu n'es pas obligé d'en faire partie. Yourself. Yourself, speaking your name. Yeah, on your own behalf. And then they tell you, this is the company where you have worked so many months or years. Et puis on te dit que la porte est toujours ouverte. That door, it's always open. Anytime you have a problem, come by. You need a raise, come by and tell me. It's a case-by-case personal relation. Cas par cas. You know who's going to do that? Nobody. Oui, mais qui va faire cela? To be a preacher, but I kept my ears peeled to what them other preachers said, and I didn't want to say that stuff. Just somehow wanted to yell and talk and sing to folks. I used to lay back there in a big old pile of them whiskey cases, and I'd play me a bunch of good old bluesy records over and over, and it just made my feet itch. Made me want to pick up and lie down the road and soak up a head full of songs and meet the real folks that sung them, then maybe I'd have something to talk or sing or preach about things that's wrong and needs a fixing and how to make them better some way or another. I didn't know. Le droit au travail. John, militant sur le secteur Est de Dallas, patriote du Bois d'Arc, organisation radicale, un peu comme un syndicat, conseil juridique, organisation de locataires, groupe de pression sur le conseil municipal. Écoute, il faut que tu comprennes que la ville est entre les mains d'un petit clan de financiers. You got to understand something about the way this city's run. Des promoteurs comme Crow, des banquiers, des fabricants d'armes. C'est eux qui tirent les ficelles à Dallas. Le maire de la ville et le conseil, en face d'eux, sont impuissants. Ils ne sont qu'une caution, un tampon, à la solde de ses intérêts privés, dont ils font partie. Ma femme et moi, on s'est baladé dans la ville. Me and my wife went all over town, and everywhere they went, the people turned us down, Lord, in a bourgeois town. It's a bourgeois town. I got the bourgeois blues, gonna spread the news all around. Le maire actuel possède la plus grosse chaîne de distribution. Le maire précédent était lui-même un promoteur prospère. It's fine that you're in Dallas and throughout the Sun Belt, your American trade union movement is not as strong as it should be. La syndicalisation est très faible dans le coin. Peut-être un travailleur sur 10. Une organisation comme la nôtre répond à cette carence. Parce que c'est où ils vivent que les gens se heurtent au système, pas seulement où ils travaillent. Mais tu as dit que tu avais un peu causé avec les principaux promoteurs de la ville. These are the people that these are the people that disrupt the neighborhoods where we live. These are the ones that come in and buy up all the property and tear down the houses and really want to kick us out. Eh bien, ce sont ces gens-là qui contrôlent le paysage urbain. Ils arrivent, ils achètent toutes les maisons, ils les rasent. Ils veulent vraiment nous balayer avec les gravats. People in this community, senior citizens, elderly people have been here, you know, 30 and 40 years, oftentimes in danger of losing their home to one of these big redevelopment schemes that the city is so proud of. Les gens de ces quartiers, et parmi eux des vieux, des très vieux, qui ont toujours vécu ici, sont en permanence sur la brèche, menacés par l'un de ces fameux projets de rénovation. Et la menace se concrétise souvent. Et partout, on nous a renvoyés. Il y a eu une destruction méthodique des quartiers pauvres. Il y a trois manières de procéder. Parlons d'abord des travaux publics, d'accord? Dans le ghetto noir qui jouxte le centre-ville, par exemple, une masse incroyable de travaux publics a totalement éventré le quartier. Des parkings, des autoroutes, des ponts, des voies de dégagement. L'unité du quartier éclate. Les maisons accessibles sont bulldozées et la population est expulsée. Il ne s'agit pas de cas isolés. Dans le quartier sud, en moins de 10 ans, plus de 20 000 personnes se sont retrouvées à la rue, c'est-à-dire un tiers des habitants. Parlons des deux autres manières de vider les gens, si tu veux. Tu sais que beaucoup d'entreprises descendent dans le Sunbelt. Tu sais qu'elles viennent ici parce que le terrain et la main-d'œuvre sont bon marché. Il n'y a pas de syndicats, pas de contraintes d'environnement. C'est pour cela qu'elles choisissent le Sud. C'est pas par philanthropie qu'elles émigrent. Et parce qu'elles pensent qu'ici, tout est permis. Et au lieu de s'implanter là où la terre est vierge, non, elles choisissent les quartiers pauvres. And like where you really see this is in West Dallas. C'est particulièrement évident dans Dallas West. Rich people move into a to a what was a lower moderate income area. Les gens aisés émigrent dans les quartiers modestes. Ils rénovent les maisons délabrées, qui prennent beaucoup de valeur. Et petit à petit, le quartier s'embourgeoise. C'est ça la gentrification. C'est une ville bourgeoise. Mais il y a vraiment une relation d'inceste entre le privé et le public. Quand la ville garantit le rendement des investissements privés, s'il y a mévente, la ville rachète le surplus. Et quand elle établit des normes d'esthétique dans un quartier pauvre, dont les coûts sont insupportables pour les locataires, peinture, type de tuiles, ornements, etc. Ça se passe comme ça, si tu veux, un exemple. Le promoteur dépêche un acheteur qui propose un prix très bas, 20 francs le mètre carré. Le locataire refuse. Il connaît bien les prix. Une semaine plus tard, c'est l'inspecteur des normes qui vient. Il fait un devis de réparation obligatoire pour 15 000 dollars. Et voilà. Je peux dire une chose en général, c'est que il y a un espace qui est très peu contrôlé, qui est en effet le lien entre le pouvoir le plus local, c'est-à-dire dans une ville municipale, et les vrais pauvres. Ils ne sont pas vraiment organisés par personne, c'est-à-dire même si le pouvoir municipal ou même le pouvoir fédéral essaie de les organiser. Ils n'ont pas vraiment le moyen de les pénétrer. Et bon, quand j'ai fait cette boulot-là, dans un exemple concret, c'est Kennedy qui a juste lancé ce qu'il appelait « the war on poverty », la guerre contre la pauvreté. Alors, il se trouve qu'ils ont fait dans chaque ghetto noir et ghetto pauvre blanc un certain organisme qui devait s'occuper des problèmes de pauvres. Alors là, nous, qui étions une équipe des militants, plus ou moins, qui étaient dans le gâteau, avaient vraiment le moyen de travailler avec ces gens sur plusieurs issues de base, si c'est la question de logement, protection des locataires, si c'est la question des écoles, même des questions de mettre les feux rouges dans la roue pour que les enfants ne soient pas tués, tous ces types de questions-là. On avait un vrai rapport après un travail où on habitait là, dans le quartier. Et on est devenu facilement une ponte entre ce dernier bout de doigt de pouvoir organisé et les complètement non organisés. Et au commencement, ça semblait assez intéressant. Mais finalement, c'était un travail ouvert à la récupération. C'était en effet, on était en train de faire un travail qui était désirable. Parce qu'au moins, c'était à ce moment-là possible d'identifier ces gens, identifier leurs problèmes et tout. Et à mon avis, notre travail n'a pas abouti après 2-3 ans, presque à aucune amélioration, sauf la création des vrais dirigeants de base. Mais la plupart des choses ont terminé avec une vraie confrontation avec un pouvoir qui s'en fout complètement et qui avait le pouvoir d'écraser n'importe qui. Hey, Laura! Bye! Are you fine? Oh, just fine. Good to see you. How are good you? Good to see you. I'm fine. Well, instead of telling him to come tell you, he might forget. I just come myself. Hello. Hello. How are you? Oh, so pretty. It's fine. You built a thoroughfare right down the middle of the community. Once you split the community, you have a larger tract of land where you can build high-rise buildings and so forth. La stratégie des promoteurs. Défendre un projet d'autoroute à travers un quartier pauvre. L'État de Mexico, par exemple. Ça permet de mettre la main sur pas mal de terrains. Il pointe le doigt sur le triangle d'or, puis sur son quartier, et il explique la lutte contre la transversale, matériellement, elle ne pouvait aboutir nulle part. Les fonds étaient insuffisants. Quant aux ingénieurs, ils venaient de chez Crow. Donc ce n'était qu'un prétexte pour démanteler le Little Mexico et disperser les habitants. Especially the elderly, the ones on the fixed income, to sell their properties. And predominantly, it's always happened to the Hispanic or the black community. And I'm talking about mostly here in Dallas, and I guess anywhere in the United States. Le futur d'une organisation noire ou d'une organisation portoricaine ou chicano est vachement différent parce qu'il y a une autre histoire derrière. Et c'est possible qu'éventuellement, il va y avoir une grande organisation noire qui a commencé comme un contre-pouvoir et qui finalement a réussi de sortir avec un vrai pouvoir. C'est le cas actuellement de la réorganisation d'un mouvement qui paraissait à travers toutes les têtes historiques, Luther King, Malcolm X. Est-ce qu'il y a des successeurs à ces gens-là et qui structurent un mouvement noir ou chicano en ce moment aux États-Unis ou pas? Ouais, on a passé dans une grande période de recul après des expériences des années 60 et 70, c'est-à-dire soit le meurtre de tous les chefs et les limites d'un certain type de, disons, extrémisme. Et la réponse était d'essayer de restructurer les moyens qui existent pour faire des choses dans le système, c'est-à-dire le Parti démocratique principalement. Mais moi, je crois qu'on va éventuellement reprendre un autre chemin, parce que la possibilité d'actuellement faire des grands changements dans ce moyen, c'est pas très intéressant. Un maire noir à Chicago, ça va plutôt dans ce sens, l'intégration à un grand parti politique. Non, ça va pas vraiment remporter beaucoup des changements, mais c'est pas une récupération seulement. C'est-à-dire, c'est assez étonnant d'avoir un maire de Chicago en donnant le niveau de racisme là-bas. Et à un certain niveau, ça va changer les balances de pouvoir dans la ville, avec des résultats qui ne mènent pas forcément à gauche ou à droite, mais qui changent la situation et qui changent le climat, par exemple, pour ces petits groupes qui travaillent. Ça, c'est un exemple concret qui peut être très, très important pour eux. Tu vois? Et moi, je vois toutes les choses avec à cette très, très petite échelle, parce que l'agglomération de pouvoir est telle qu'on ne voit pas une seule agence de change facilement. Mais on voit beaucoup des changements de balance de pouvoir dans des lieux spécifiques. Alors, c'est important, tu vois ça. Et on va voir plus de ça. Ouais. Et dans le sud profond, on avoue exactement ce que ça veut dire quand il y avait une nouvelle mère dans une petite ville qui est noire, et le type de folie que ça éclate, qui veut dire que quelque chose est vraiment touché par ça. C'est pas seulement, maintenant il y a noir. C'est vraiment la guerre. Et au moins, ça dynamise la situation. Malheur celui qui n'a pas compris. Un jour, il y perdra la vie. La complexité toujours croissante des structures sociales rendra inévitable que les individus soient de quelque façon enrégimentés. La liberté et l'intimité risquent de devenir des luxes antisociaux et très difficiles à obtenir. Il pourrait se constituer par sélection une race d'hommes qui serait génétiquement prédisposée à accepter, comme allant de soi, de vivre enrégimentés et sous tutelle dans un monde pollué et surpeuplé, d'où aurait disparu toute l'impétuosité et la fantaisie de la nature. Le bétail domestique ou les rongeurs de laboratoire, soumis à un régime contrôlé dans un milieu contrôlé, deviendraient alors des modèles vraiment valables pour l'étude de l'homme. Pour conserver les qualités humaines de l'existence, il est tout aussi important que le milieu permette de satisfaire le désir de vivre dans la paix, l'intimité, l'indépendance et de jouir de quelque initiative dans un peu d'espace libre. Brusque refus de la discipline de travail, relâchement de l'effort individuel, désobéissance généralisée aux règles et aux lois, grève sauvage, boycott et sabotage, insoumission gratuite, telles pourraient être les expressions de la dissolution de la moralité sociale. Le totalitarisme n'est pas seulement le fait d'une forme spécifique de gouvernement ou de parti. Il découle plutôt d'un système spécifique de production et de distribution, parfaitement compatible avec un pluralisme de partis, de journaux, avec la séparation des pouvoirs, etc. Ingénieur de l'âme. Compétition épuisante. Confort administré. Virilité factice. We want to keep you company. Distraction standardisée. Sociabilité ouverte, chaleureuse, superficielle. It's so nice to meet you. Je sens quelquefois, quand tu parles de Dallas, une sorte de... peut-être qu'indignation n'est pas le mot, mais je sens quelque chose de cet ordre. Si indignation, disons, réflexion un peu sceptique il y a, c'est sur plutôt un type d'organisation sociale qui me paraît porter des germes d'un type d'organisation sociale auquel on risque peut-être d'être confronté ou bien dans lequel on est déjà un peu. Bon. Alors, ça veut dire réfléchir à ce que c'est que la croissance industrielle, à ce que c'est que l'état avancé d'une société industrielle, à ce que peut être le quotidien, la vie quotidienne des gens dans cette opulence apparente. Est-ce qu'on va utiliser la technologie pour d'une manière totalitaire ou est-ce qu'on va l'utiliser d'une manière démocratique? Est-ce que les intérêts personnels vont toujours être confondus avec les intérêts nationaux et les intérêts sociaux? Etc, etc. Dallas. Non, du tout. Je ne connais pas Dallas. Seulement une photographie. Il ne regarde pas Dallas. 1984. Dallas. Ça fait image, mais ce serait peut-être dangereux de plaquer comme tel un modèle orwellien sur une société de type américaine. Parce qu'il y a effectivement le modèle de 1984, finalement, c'est une certaine forme de totalitarisme dont on trouverait d'ailleurs peut-être une réalisation plus proche dans des pays de type, démocratie populaire ou URSS, parce que justement c'est l'omniprésence du pouvoir d'État. directement. Enfin, c'est l'image justement du regard qui est toujours le regard du pouvoir qui s'étale sur la société et qui ne laisse aucune marge de jeu. You're okay? I'm okay. Servitude volontaire. Thérapie des normaux. Obscénité des sourires. Il peut se passer n'importe quoi. Il peut très bien y avoir. Sans pas que la question noire, la question raciale noire, soit en voie de réelle de règlement malgré tout. Mais il peut aussi éclater une question juive un jour aux États-Unis. C'est pas exclu. Enfin, rien n'est exclu évidemment parce que c'est organisation méthodique du gaspillage. Liberté programmée. Are you an early bird? J'ai travaillé un an aux États-Unis et j'ai pas voulu devenir américain. Mais ça veut pas dire que je n'aime pas l'Amérique. Hein. En fait, j'étais très très très heureux et très enthousiaste moi d'être aux États-Unis. Maximiser le rendement humain. Productivité destructrice. Junk food. Scrambler in the shell. When I say no, I feel guilty. Travaux parasitaires absurdes. Je crois que le type de totalitarisme, enfin, qui menace peut-être une société comme la société américaine et peut-être aussi l'Europe occidentale, c'est un modèle assez différent. Il n'y a pas cette omnipotence du pouvoir d'État. Ainsi, enfin, bon, un certain nombre de forme, on peut dire, de manipulation du comportement, de contrôle des populations dans des pays comme les États-Unis, ne se font pas sous la forme d'une intervention directe du pouvoir fédéral, ni même d'ailleurs des pouvoirs des différents États, mais ils se passent à travers justement, une sorte de prise en charge de ces fonction de contrôle par les populations elles-mêmes, enfin une sorte d'autocontrôle. He's a loser. Posséder, consommer, manipuler. I'm a winner. Vibreur à battre l'œuf dans sa coquille. Chrome bumpers. You name it, you have it. Chicken fried steak. Texan size. Je crois que ce que peut-être enfin, a inventé l'Amérique, c'est une sorte de technologie appliquée à l'homme. Technique de consentement aux contraintes sociales. We care for you. Coffre à glaçons. Détecteur de radar. Charbon incalcinable. Potentiel humain. Chambre de Sheraton. Your erroneous zones. Et puis, bon, et ce qui est vrai, quand on arrive, quand un Européen débarque aux États-Unis, il est déjà entièrement dans sa propre mémoire culturelle. On est là-bas dans un rêve européen. Le taylorisme est né aux États-Unis. Bon, la psychanalyse n'est pas née aux États-Unis, comme chacun sait, mais aux États-Unis, elle a pris vraiment sa dimension sociale d'intervention dans un certain nombre de champs de la vie quotidienne. Et c'est ça qui est tout à fait troublant, c'est de se retrouver comme ça dans un autre monde. enfin, le même monde, mais en quelque sorte inversé. Cette société libérale a été la première à édicter un certain nombre de législations eugéniques sur la stérilisation, par exemple, de tout un ensemble de populations indésirables. Bon, cette espèce de manipulation, de rationalisation de la pratique humaine s'est étendue. En particulier, actuellement, bon, ce que l'on appelle les nouvelles thérapies ou bien thérapie pour les normaux. Donc, une sorte de travail sur la normalité pour accroître l'efficience. Je crois que les États-Unis ont été justement la terre natale de ce type d'approche. Il ne s'agit pas donc d'essayer de guérir, de réparer, si on peut dire, des dysfonctionnements quand quelqu'un va mal, mais il s'agit de prendre en charge et de maximiser le fonctionnement ordinaire. J'ai aussi été très sensible à tout ce qui touche à la mort. On ne peut pas dire que les gens qui se livrent à ces tentatives soient réprimés. Mais par contre, justement, ils collaborent et ils choisissent une espèce de travail sur eux-mêmes, mais dont les objectifs ne sont pas neutres. J'avais parfois le sentiment d'être chez les morts, ou comme si, en somme, les Européens étaient partis comme ça pour l'autre monde et avaient atterri à cette rive de l'autre monde, et que la vie, en somme, y recommençait, y continuait, décalée. Donc on est dans une fiction comme ça, enfin, je trouve... Bioénergie. Débloquer l'énergie fixée par les traumas sexuels de l'enfance. Intégration à la personnalité des expériences de sommet. Gestalt thérapie. La censure, l'inconscient n'existe pas. Tout se passe dans le hic et nunc. Quand le capitalisme américain s'est imposé, bon, il a chassé les Indiens, et ceux qui n'ont pas été tués ont été laissés dans des réserves où, justement, bon, ils végètent, mais comme des sortes, quand même, on peut dire, ce sont des réserves naturelles. Les Indiens hantent un peu les gens d'une manière relativement légère. Mais il me semble qu'il y a comme la constitution, enfin, d'un nouveau type de réserve. Et alors, il y a toute une population considérable des États-Unis, et pas seulement les Indiens, justement, qui vivent dans une espèce de no man's land social, qui sont en dehors des lois. Et donc, à côté de secteurs très, très rationalisés, très compétitifs, très adaptés aux exigences, par exemple, de la production, de la concurrence, etc. Le cri primal. Monté des profondeurs de l'individu, il exprime la douleur produite par des frustrations archaïques. Analyse transactionnelle. Un espace plus grand que tout autre espace, je crois. Il y a de plus en plus des secteurs, des réserves dans lesquelles, justement, les gens vivent ou survivent étant coupés de l'ensemble du système social. Il y a justement le pôle de la compétitivité qui est en même temps celui de la normalité. Ceux qui n'entrent pas dans ce cadre, ils ne sont pas nécessairement réprimés, sauf si, justement, ils posent par des sortes d'acting out des problèmes. Ils sont plutôt marginalisés. Et je crois que la société américaine, quand même, présente cette image d'avoir, comme ça, dans ses marges, une partie tout à fait considérable de sa population. L'individu étant la synthèse des trois états du moi, parent, adulte, enfant, qui, à leur tour, déterminent les relations aux autres. Finalité, devenir OK. Moyen, des jeux. Réglons son compte à Joe. Battez-vous. Gendarmes et voleurs. Pratiquer, église, école, prison, famille, entreprise, hôpitaux. Family therapy. Thérapie sexuelle. Thérapie comportementale. La prospective, c'est toujours dangereux. Je veux pas jouer les prophètes. Simplement, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que, à côté de ce modèle de totalitarisme, qui illustre justement le livre 1984, il me semble que, bon, il faut être attentif à un certain nombre de choses qui se mettent en place sous des formes qui sont pas du tout brutales, pas du tout obligatoires. Et si il y a un risque, me semble-t-il, de totalitarisme dans les sociétés de type occidental, c'est plutôt de ce côté-là qu'il faudrait les chercher. Bon, à savoir la généralisation d'un principe qui commence à devenir quelque chose de très constant dans la gestion du social, c'est que pour tout problème, qu'il soit psychologique, qu'il soit social, bon, il y ait une technologie et il y ait des techniciens compétents, des ingénieurs de l'âme pour le prendre en charge. Tout comportement a été appris. S'il est mal adapté, il peut être désappris. ACR, Atelier de création radiophonique. 1984, Dallas. Par Luc Bongrand, Kay Mortley. Avec Robert Castel, Robert Kramer, Philippe Solers, Jean Thibaudeau et conseiller municipal, homme d'affaires, militant, pasteur, syndicaliste. Herbert Marcuse, texte. Voix, Michel Cohen, Denise Glucioni, Christian Rist, Eric Sarner. Radio KERA, KCBI, Talk to Me Radio, etc. Prosperity Avenue, Downtown Dallas, City Hall, Shopping Center, Little Mexico, Gospel to the Baptists, Gay Church, Executive Tower, Ghettos. Groupe de réalisation, Philippe Brodin, Monique Burguière, Michel Créis, Marie-Ange Garandeau, Yvette Tuchban. ...1984, Dallas. Cette émission a été diffusée la première fois le 26 juin 1983 sur France Culture. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.